Moll Flanders, 25e partie. Je lui poussai tous ces arguments avec tant d'ardeur et je répondis avec tant d'effet à toutes ces objections passionnées qu'il m'embrassa et me dit que je le traitais avec une sincérité à laquelle il ne pouvait résister, qu'il allait accepter mon conseil et s'efforcer de se soumettre à son destin dans l'espérance de trouver le confort d'une si fidèle conseillère et d'une telle compagne de misère. Mais encore voulut-il me rappeler ce que j'avais dit avant, à savoir qu'il pouvait y avoir quelque moyen de se libérer avant de partir et qu'il pouvait être possible d'éviter entièrement le départ, ce qui, à son avis, valait beaucoup mieux. Nous nous séparâmes après cette longue conférence avec des témoignages de tendresse et d'affection que je pensais qui étaient égaux, sinon supérieurs, à ceux de notre séparation de Dunstable. Enfin, après beaucoup de difficultés, il consentit à partir. Et comme il ne fut pas là-dessus admis à la déportation devant la cour et sur pétition, ainsi que je l'avais été, il se trouva dans l'impossibilité d'éviter l'embarquement ainsi que je pensais qu'il pouvait le faire. Le moment de ma propre déportation s'approchait. Ma gouvernante, qui continuait à se montrer amie dévouée, avait tenté d'obtenir un pardon, mais n'avait pu réussir à moins d'avoir payé une somme trop lourde pour ma bourse, puisque de la laisser vide, à moins de me résoudre à reprendre mon vieux métier, eût été pire que la déportation, à cause que là-bas je pouvais vivre, et ici non. C'est au mois de février que je fus, avec 13 autres forçats, remise à un marchand qui faisait commerce avec la Virginie à bord d'un navire à l'ancre dans Deptford Reach. L'officier de la prison nous mena à bord et le maître du vaisseau signa le reçu. Cette nuit-là, on ferma les écoutilles sur nous et on nous tint si étroitement enfermés que je pensais étouffés par manque d'air. Et le lendemain matin, le navire leva l'ancre et descendit la rivière jusqu'à un lieu nommé Bugby's Hall. Chose qui fut faite, nous dit-on, d'accord avec le marchand, afin de nous retirer toute chance d'évasion. Cependant, quand le navire fut arrivé là et eut jeté l'ancre, nous eûmes l'autorisation de monter sur le Frontillac, mais non sur le pont, étant particulièrement réservé au capitaine et aux passagers. Quand par le tumulte des hommes au-dessus de ma tête et par le mouvement du navire je m'aperçus que nous étions sous voile, je fus d'abord grandement surprise, craignant que nous fussions partis sans que nos amis eussent pu venir nous voir. Mais je me rassurai bientôt après, voyant qu'on avait jeté l'ancre et que nous fûmes avertis par quelques hommes que nous aurions le matin suivant la liberté de monter sur le tillac et de parler à nos amis qui nous viendraient voir. Toute cette nuit, je couchai sur la dure, comme les autres prisonniers. Mais ensuite, on nous donna de petites cabines, du moins à ceux qui avaient quelques literies à y mettre, ainsi qu'un coin pour les malles ou caisses de vêtements ou de linge, si nous en avions, ce qu'on peut bien ajouter, car quelques-uns n'avaient point de chemise de linge ou de laine que celle qui était sur leur dos, et pas un denier pour se tirer d'affaire. Pourtant, ils ne furent pas trop malheureux à bord, surtout les femmes, à qui les marins donnaient de l'argent pour laver leur linge, etc., ce qui suffisait pour acheter ce dont elles avaient besoin. Quand, le matin suivant, nous eûmes la liberté de monter sur le tillac, je demandai à l'un des officiers si je ne pouvais être autorisé à envoyer une lettre à terre pour mes amis, afin de leur faire savoir l'endroit où nous étions et de me faire envoyer quelque chose nécessaire. C'était le bosseman, homme fort civil et affable, qui me dit que j'aurais toute liberté que je désirerais, et qu'il put me donner sans imprudence. Je lui dis que je n'en désirais point d'autre, et il me répondit que le canot du navire irait à Londres à la marée suivante, et qu'il donnerait ordre qu'on portât ma lettre. En effet, quand le canot partit, le bosseman vint m'en avertir, me dit qu'il est monté lui-même et que, si ma lettre était prête, il en prendrait soin. J'avais préparé d'avance plume, encre et papier, et j'avais fait une lettre adressée à ma gouvernante, dans laquelle j'en avais enfermé une autre pour mon camarade de prison. Mais je ne lui laissais pas savoir que c'était mon mari, et je le lui cachai jusqu'à la fin. Dans ma lettre à ma gouvernante, je lui disais l'endroit où était le navire et la pressais de m'envoyer les effets qu'elle m'avait préparés pour le voyage. Quand je remis ma lettre au bosseman, je lui donnai en même temps un shilling et je lui dis que ce serait pour payer le commissionnaire que je le suppliais de charger de la lettre sitôt qu'il viendrait à terre, afin que, si possible, j'eusse une réponse rapportée de la même main et que j'apprisse ce que devenaient mes effets. « Car, monsieur, dis-je, si le navire part avant que je les aie reçus, je suis perdu. » Je pris garde, en lui donnant le shilling, de lui faire voir que j'en étais mieux fourni que les prisonniers ordinaires, que j'avais une bourse où il ne manquait pas d'argent, et je trouvai que cette vue seule m'attira un traitement très différent de celui que j'eusse autrement subi. Car bien qu'il fût civil vraiment auparavant, c'était par une sorte de compassion naturelle qu'il ressentait pour une femme dans la détresse. Tandis qu'il le fut plus qu'à l'ordinaire après, et me fit mieux traiter dans le navire, dis-je, qu'autrement je ne l'eusse été, ainsi qu'il paraîtra en lieu et place. Il remit fort honnêtement ma lettre dans les propres mains de ma gouvernante et me rapporta sa réponse. Et quand il me la donna, il me rendit le shilling. « Tenez, dit-il, voilà votre shilling que je vous rends, car j'ai remis la lettre moi-même. » Je ne sus que dire, j'étais toute surprise. Mais après une pause, je répondis, « Monsieur, vous êtes trop bon. Ce n'eût été que justice que vous vous fussiez alors payé du message. » « Non, non, dit-il, je ne suis que trop payé. Qui est cette dame? Est-ce votre sœur ?»« Non, monsieur, dis-je, ce n'est point ma parente, mais c'est une très chère amie, et la seule amie que j'ai au monde. « Eh bien, dit-il, il y a peu d'amis semblables. Figurez-vous qu'elle pleure comme une enfant. « Ah oui, fis-je encore, je crois bien qu'elle donnerait 100 livres pour me délivrer de cette affreuse condition. « Vraiment oui, dit-il, mais je pense que, pour la moitié, je pourrais bien vous mettre en mesure de vous délivrer. » Mais il dit ces paroles si bas que personne ne put l'entendre. « Hélas, monsieur, fis-je, mais alors ce serait une délivrance telle que, si j'étais reprise, il m'en coûterait la vie. » « Oui bien, dit-il, Une fois hors du navire, il faudrait prendre bonne garde à l'avenir. Je n'y puis rien dire. » Et nous ne tîmes pas plus de discours pour l'instant. Cependant, ma gouvernante, fidèle jusqu'au dernier moment, fit passer ma lettre dans la prison à mon mari et se chargea de la réponse. Et le lendemain, elle arriva elle-même, m'apportant d'abord un hamac, comme on dit, avec la fourniture ordinaire. Elle m'apporta aussi un coffre de mer, c'est à savoir un de ces coffres qu'on fabrique pour les marins, avec toutes les commodités qui y sont contenues, et plein de presque tout ce dont je pouvais avoir besoin. Et dans un des coins du coffre, où il y avait un tiroir secret, était ma banque. C'est-à-dire qu'elle y avait serré autant d'argent que j'avais résolu d'emporter avec moi. Car j'avais ordonné qu'on conservât une partie de mon fonds, afin qu'elle pût m'envoyer ensuite tels effets dont j'aurais besoin quand je viendrais à m'établir. Car l'argent dans cette contrée ne sert pas à grand-chose, où on achète tout pour du tabac. À plus forte raison est-ce grand dommage d'en emporter d'ici. Mais mon cas était particulier. Il n'était point bon pour moi de partir sans effet ni argent, et d'autre part pour une pauvre déportée qui allait être vendue sitôt qu'elle arriverait à terre, d'emporter une cargaison de marchandises, cela eût attiré l'attention et les eût peut-être fait saisir. De sorte que j'emportai ainsi une partie de mon fonds et que je laissai le reste à ma gouvernante. Ma gouvernante m'apporta un grand nombre d'autres effets. Mais il ne convenait pas que je fisse trop la brave, du moins avant de savoir l'espèce de capitaine que nous aurions. Quand elle entra dans le navire, je pensais qu'elle allait mourir vraiment. Son cœur s'enfonça quand elle me vit à la pensée de me quitter en cette condition. Et elle pleura d'une manière si intolérable que je fus longtemps avant de pouvoir lui parler. Je profitai de ce temps pour lire la lettre de mon camarade de prison, dont je fus étrangement embarrassé. Il me disait qu'il lui serait impossible de se faire décharger à temps pour partir dans le même vaisseau. Et par-dessus tout, il commençait à se demander si on voudrait bien lui permettre de partir dans le vaisseau qui lui plairait, bien qu'il consentît à être déporté de plein gré, mais qu'on le ferait mettre à bord de tel navire qu'on désignerait, où il serait consigné au capitaine, ainsi qu'on fait pour les autres forçats. Tel qu'il commençait à désespérer de me voir avant d'arriver en Virginie, d'où il pensait devenir forcené. Regardant que si, d'autre part, je n'étais point là, au cas où quelque accident de mer ou de mortalité m'enlèverait, il serait la créature la plus désolée du monde. C'était une chose fort embarrassante, et je ne savais quel parti prendre. Je dis à ma gouvernante l'histoire du bosseman, et elle me poussa fort ardemment à traiter avec lui, mais je n'en avais point d'envie, jusqu'à ce que j'eusse appris si mon mari, ou mon camarade de prison, comme elle l'appelait, aurait la liberté de partir avec moi ou non. Enfin, je fus forcée de lui livrer le secret de toute l'affaire, excepté toutefois de lui dire que c'était mon mari, je lui dis que j'avais convenu fermement avec lui de partir, s'il pouvait avoir la liberté de partir dans le même vaisseau, et que je savais qu'il avait de l'argent. Puis je lui dis ce que je me proposais de faire quand nous arriverions là-bas, comment nous pourrions planter, nous établir, devenir riches en somme sans plus d'aventure. Et, comme un grand secret, je lui dis que nous devions nous marier sitôt qu'il viendrait à bord. Elle ne tarda pas à acquiescer joyeusement à mon départ, quand elle apprit tout cela, et à partir de ce moment, elle fit son affaire de voir à ce qu'il fût délivré à temps, de manière à embarquer dans le même vaisseau que moi, ce qui put se faire enfin, bien qu'avec une grande difficulté, et non sans qu'il passât toutes les formalités d'un forçat déporté, ce qu'il n'était pas en réalité, puisqu'il n'avait point été jugé, et qui fut une grande mortification pour lui. Comme notre sort était maintenant déterminé, et que nous étions tous deux embarqués à réelle destination de la Virginie, dans la misérable qualité de forçats transportés, destinés à être vendus comme esclaves, moi pour 5 ans, et lui tenu sous engagement et caution de ne plus jamais revenir en Angleterre tant qu'il vivrait, il était fort triste et déprimé. La mortification d'être ramené à bord, ainsi qu'il l'avait été, comme un prisonnier, le piquait infiniment, puisqu'on lui avait dit en premier lieu qu'il serait déporté, de façon qu'il parut gentilhomme en liberté. Il est vrai qu'on n'avait point donné ordre de le vendre lorsqu'il arriverait là-bas, ainsi qu'on l'avait fait pour nous, et pour cette raison, il fut obligé de payer son passage au capitaine, à quoi nous n'étions point tenus. Pour le reste, il était autant hors d'état qu'un enfant de faire quoi que ce fût, sinon par instruction. Cependant, je demeurai dans une condition incertaine 3 grandes semaines, ne sachant si j'aurais mon mari avec moi ou non, et en conséquence, n'étant point résolu sur la manière dont je devais recevoir la proposition de l'honnête Bosman, ce qui, en vérité, lui parut assez étrange. Au bout de ce temps, voici mon mari venir à bord. Il avait le visage colère et morne. Son grand cœur était gonflé de rage et de dédain qu'il fut traîné par 3 gardiens de Newgate et jeté à bord comme un forçat quand il n'avait pas tant qu'été amené en jugement. Il en fit faire de grandes plaintes par ses amis, car il semble qu'il eut quelque intérêt, mais ils rencontrèrent quelque obstacle dans leurs efforts. Il leur fut répondu qu'on lui avait témoigné assez de faveur et qu'on avait reçu de tels rapports sur lui depuis qu'on lui avait accordé sa déportation qu'il devait se juger fort bien traité de ce qu'on ne reprit pas les poursuites. Cette réponse le calma, car il savait trop bien ce qui aurait pu advenir et ce qu'il avait lieu d'attendre, et à cette heure, il voyait la bonté de la vie auquel il avait cédé d'accepter l'offre de la déportation. Et après que son irritation contre ces limiers d'enfer, comme il les appelait, fut un peu passée, il prit l'air rasséréné, commença d'être joyeux, et, comme je lui disais combien j'étais heureuse de l'avoir tiré une fois encore de leurs mains, il me prit dans ses bras et reconnut avec une grande tendresse que je lui avais donné le meilleur conseil qui fût possible. « Ma chérie, dit-il, tu m'as sauvé la vie 2 fois, elle t'appartient désormais, et je suivrai toujours tes conseils. » Notre premier soin fut de comparer nos fonds. Il eut beaucoup d'honnêteté et me dit que son fonds avait été assez fourni quand il était entré en prison, mais que de vivre là comme il l'avait fait, en façon de gentilhomme, et, ce qui était bien plus, d'avoir fait des amis et d'avoir soutenu son procès, lui avait coûté beaucoup d'argent, et, en un mot, il ne lui restait en tout que 108 livres qu'il avait sur lui en or. Je lui rendis aussi fidèlement compte de mon fonds, c'est-à-dire de ce que j'avais emporté avec moi, car j'étais résolu, quoi qu'il pût advenir, à garder ce que j'avais laissé en réserve. Au cas où je mourrais, ce que j'avais serait suffisant pour lui, et ce que j'avais laissé aux mains de ma gouvernante lui appartiendrait à elle, chose qu'elle avait bien méritée par ses services. Le fonds que j'avais sur moi était de 246 livres et quelques shillings, de sorte que nous avions entre nous 354 livres, mais jamais fortune plus mal acquise n'avait été réunie pour commencer la vie. Notre plus grande infortune était que ce fonds en argent ne représentait aucun profit à l'emporter aux plantations. Je crois que le sien était réellement tout ce qui lui restait au monde, comme il me l'avait dit. Mais moi, qui avais entre 700 et 800 livres en banque quand ce désastre me frappa, et qui avais une des amies les plus fidèles au monde pour s'en occuper, regardant que c'était une femme qui n'avait point de principe, j'avais encore 300 livres que je lui avais laissées entre les mains et mises en réserve, ainsi que j'ai dit. D'ailleurs, j'avais emporté plusieurs choses de grande valeur, en particulier 2 montres d'or, quelques petites pièces de vaisselle plate et plusieurs bagues, le tout volé. Avec cette fortune, et dans la 61e année de mon âge, je me lançai dans un nouveau monde, comme je puis dire, dans la condition d'une pauvre déportée qu'on avait envoyée au-delà des mers pour lui faire grâce de la potence. Mes habits étaient pauvres et médiocres, mais point déguenillés ni sales. Et personne ne savait, dans tout le vaisseau, que j'eusse rien de valeur sur moi. Cependant, comme j'avais une grande quantité de très bons habits et du linge en abondance que j'avais fait emballer dans 2 grandes caisses, je les fis embarquer à bord, non comme mes bagages, mais les ayant fait consigner à mon vrai nom en Virginie. Et j'avais dans ma poche les billets de déchargement, et dans ces caisses étaient mon argenterie et mes montres, et tout ce qui avait de la valeur, excepté mon argent, que je conservais à part dans un tiroir secret de mon coffre, et qu'on ne pouvait découvrir ou bien ouvrir, si on le découvrait, sans mettre le coffre en pièces. Le vaisseau commença maintenant de se remplir. Plusieurs passagers vinrent à bord qui n'avaient point été embarqués à compte criminel, et on leur désigna de quoi s'accommoder dans la grande cabine et autres parties du vaisseau, tandis que nous, forçats, on nous fourra en bas je ne sais où. Mais quand mon mari vint à bord, je parlai au bosseman qui m'avait de si bonne heure donné des marques d'amitié. Je lui dis qu'il m'avait aidé en bien des choses et que je ne lui avais fait aucun retour qui convînt, et là-dessus je lui mis une guinée dans la main. Je lui dis que mon mari était maintenant venu à bord et que, bien que nous fussions dans notre infortune présente, cependant nous avions été des personnes d'un autre caractère que la bande misérable avec laquelle nous étions venus, et que nous désirions savoir si on ne pourrait obtenir du capitaine de nous admettre à quelque commodité dans le vaisseau, chose pour laquelle nous lui ferions la satisfaction qui lui plairait, et que nous le payerions de sa peine pour nous avoir procuré cette faveur. Il prit la guinée, ainsi que je pus voir, avec grande satisfaction, et m'assura de son assistance. Puis il nous dit qu'il ne faisait point doute que le capitaine, qui était un des hommes de la meilleure humeur qui fût au monde, ne consentirait volontiers à nous donner les aises que nous pourrions désirer. Et pour nous rassurer là-dessus, il me dit qu'à la prochaine marée il irait le trouver, à seule fin de lui en parler. Le lendemain matin, m'étant trouvé dormir plus longtemps que l'ordinaire, quand je me levai et que je montai sur le tillac, je vis le bosseman, parmi les hommes, à ses affaires ordinaires. Je fus un peu mélancolique de le voir là, et allant pour lui parler, il me vit et vint à moi, et, sans lui donner le temps de me parler d'abord, je lui dis en souriant. « Je pense, monsieur, que vous nous ayez oubliés, car je vois que vous avez bien des affaires. » Il me répondit aussitôt, « Venez avec moi, vous allez voir. » Et il m'emmena dans la grande cabine, où je trouvai assis un homme de bonne apparence qui écrivait et qui avait beaucoup de papiers devant lui. « Voici, dit le bosseman à celui qui écrivait, la dame dont vous a parlé le capitaine. » Et se tournant vers moi, il ajouta, « J'ai été si loin d'oublier votre affaire que je suis allé à la maison du capitaine et que je lui ai représenté fidèlement votre désir d'être fourni de commodités pour vous-même et votre mari. Et le capitaine a envoyé monsieur, qui est maître de vaisseau, à dessein de tout vous montrer et de vous donner toutes les aises que vous désirez. Et m'a prié de vous assurer que vous ne seriez pas traités ainsi que vous l'attendez, mais avec le même respect que les autres passagers. » Là-dessus le maître me parla, et ne me donnant point le temps de remercier le bosseman de sa bonté, confirma ce qu'il m'avait dit, et ajouta que c'était la joie du capitaine de se montrer tendre et charitable, surtout à ceux qui se trouvaient dans quelque infortune. Et là-dessus, il me montra plusieurs cabines ménagées les unes dans la grande cabine, les autres séparées par des cloisons de l'habitacle du timonier, mais s'ouvrant dans la grande cabine, à dessein pour les passagers, et me donna liberté de choisir celle que je voudrais. Je pris une de ces dernières, où il y avait d'excellentes commodités pour placer notre coffre et nos caisses et une table pour manger. Puis le maître me dit que le bosseman avait donné un rapport si excellent sur moi et mon mari qu'il avait ordre de nous dire que nous pourrions manger avec lui, s'il nous plaisait, pendant tout le voyage, aux conditions ordinaires qu'on fait aux passagers. Que nous pourrions faire revenir des provisions fraîches si nous voulions, ou que, sinon, nous vivrions sur la provision ordinaire et que nous partagerions avec lui. Ce fut là une nouvelle bien revivifiante pour moi, après tant de dures épreuves et d'afflictions. Je le remerciai et lui dis que le capitaine nous ferait les conditions qu'il voudrait, et lui demandai l'autorisation d'aller prévenir mon mari, qui ne se trouvait pas fort bien et n'était point encore sorti de sa cabine. Je m'y rendis en effet, et mon mari, dont les esprits étaient encore si affaissés sous l'infamie, ainsi qu'il disait, qu'on lui faisait subir, que je le reconnaissais à peine, fut tellement ranimé par le récit que je lui fis de l'accueil que nous trouverions sur le vaisseau, que ce fut tout un autre homme et qu'une nouvelle vigueur et un nouveau courage parurent sur son visage même. Tant il est vrai que les plus grands esprits, quand ils sont renversés par leurs afflictions, sont sujets aux plus grandes dépressions. Après quelques pauses pour se remettre, mon mari monta avec moi, remercia le maître de la bonté qu'il nous témoignait et le pria d'offrir l'expression de sa reconnaissance au capitaine. Lui proposant de payer d'avance le prix qu'il nous demanderait pour notre passage et pour les commodités qu'il nous donnait. Le maître lui dit que le capitaine viendrait à bord l'après-midi et qu'il pourrait s'arranger avec lui. En effet, l'après-midi, le capitaine arriva et nous trouvâmes que c'était bien l'homme obligeant que nous avait représenté le bosseman. Et il fut si charmé de la conversation de mon mari qu'en somme il ne voulut point nous laisser garder la cabine que nous avions choisie, mais nous en donna une qui, ainsi que je l'ai dit avant, ouvrait dans la grande cabine. Et ces conditions ne furent point exorbitantes. Ce n'était point un homme avide de faire de nous sa proie, mais pour 15 guinées nous eûmes tout, notre passage et nos provisions, repas à table du capitaine et fort bravement entretenus.